annonce du gouvernement. Si un homme frappe un enfant, l'enfant ne sera pas cru. S'il frappe un chat, il ira en prison. Si un homme frappe une femme, il ne risque rien jusqu'à ce que la femme meure. Si un dictateur tue son peuple, le Parlement délibérera pendant 10 semaines pour savoir ce qu'il faut faire avant de passer un coup de téléphone au dit dictateur pour lui tirer les oreilles. Si des anarchistes tiennent des positions sur une ZAD, la police a le droit de les tuer. Lorsque des artistes deviennent violents, ils sont invités à l'Élysée. Si des bénévoles se gèlent les couilles en récupérant des denrées alimentaires, on leur fera une chanson réac. Si des vendeurs de Tour Eiffel vendent des tours Montparnasse, ils seront poursuivis devant la Cour des droits de l'homme. Si un président voisin tue son opposant politique, il faudra lui laisser le bénéfice du doute. Si un chômeur en fin de droit vole une pomme, on l'enverra en prison. Si un ancien président de la République corrompt les juges, on le réélira. Si un père de famille nombreuse en fin de droit fraude la CAF, il aura la tête coupée. Et si un homme d'affaires au nom de Carpet trompe l'État, on lui donnera 405 millions d'euros. Si un pays étranger écoute les conversations de nos concitoyens avec des grandes oreilles sur des immeubles de banlieue parisienne, le gouvernement feindra de ne pas être au courant. Si des drones survolent la capitale, on utilisera des pistolets à eau pour les neutraliser.